illusionne le cosmos d'un message infernal. Improbable trou noir d'un comique spatial. Quelle est donc la poussière sur tes lèvres? Des galaxies héroïques et des saints tragiques. On en a pour et on en a pas. On en éjacule là-bas. On en a pour et on en a pas. On en a des sensations, mais sur ma saison. On en a quel est le clitoris que je tiens. On en a pour et on en a pas. Et je ne peux m'empêcher de convoiter ce vagin. Mais d'autres que moi préfèrent les bites en bois. Entre les lacets des villes, je trouvais des testicules. Et sur le plan incliné, je ne trouve plus la moitié. On ne pourrions le pain. On en trouvions le pain. On en convoitait d'autres fois. On en vaporisait le reste du destin. Au nom de quelqu'un, on préfère un vagin. On ne peut pas. Oh oh oh, véhicule là-bas. Que reste-t-il de tout ce liquide? Que peut-on mettre simplement sur le vent? De purifier un soupçon de bonté. Ou un idiot sur le point d'hiberner. On ne pourrions le pas. On ne nous surtout pas. On ne nous surtout pas. On ne nous surtout pas. On ne nous surtout pas. On ne pourrions le pas. Et je que là-bas, on ne pourrions le pas.